franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'une des énigmes criminelles les plus célèbres de l'après-guerre, l'affaire Dominici. L'histoire commence une nuit de pleine lune, le 4 août 1952. À Lurce, village pittoresque des Alpes de Haute-Provence, une famille de touristes anglais s'installe en bordure de route pour un camping improvisé. Au petit matin, Jack Drummond, sa femme Anne et leur petite fille Elisabeth, 10 ans, sont retrouvés assassinés. Très vite, l'enquête s'oriente vers les Dominici, une famille de paysans qui habite là, tout près du lieu du crime. Très vite aussi, elle s'enlise. Difficile en effet de faire parler les Dominici, un clan d'hommes bourrus et de femmes secrètes, soudés autour de leur patriarche, Gaston. Après 15 mois d'enquête et autant de mensonges, de contradictions et de revirements, le mystère reste entier. Qui a tué la famille Drummond en cette nuit du 4 août 1952 ? Depuis 65 ans, la saga des Dominici n'a jamais cessé de fasciner et a nourri romans, bandes dessinées, théâtres, cinéma, comme en 1972, lorsque Jean Gabin incarne Gaston. Histoire demeure, autant que fait divers mythique, le massacre de Lurce ne s'efface pas de nos mémoires. Mais pourquoi suscite-t-elle toujours autant d'intérêt cette affaire? De quoi le dossier Dominici est-il le nom? Pour en parler après le récit, nous recevrons Jean-Louis Vincent en duplex de Marseille. Ancien commissaire de police à la retraite, il reconstitue l'affaire dans ses moindres détails. En février 2016, il a publié aux éditions Vendémiaire son impressionnante contre-enquête sobrement intitulée « Affaire Dominici ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Margot Opinel avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Henri Bérec. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mardi 5 août 1952, commune de Lurce, département des Alpes de Haute-Provence. C'est en début d'après-midi, sous un soleil de plomb, que le commissaire Edmond Sébeil, de la police judiciaire de Marseille, arrive sur les lieux du crime. Quelques mètres carrés en bordure de la Nationale 96. Un père couleur mastic, veste à chevrons et cigarette à la bouche, le flic marseillais fraîchement accueilli. « Ah, vous voilà enfin !» lance le juge d'instruction Périès. C'est que sur place, c'est un peu la foire. Depuis la découverte des corps par les gendarmes, tôt ce matin, badauds et journalistes font déjà le pied de grue. Dans ce village alpin de 350 âmes, on en est au constat et à la stupeur. Oui, cette nuit, trois personnes ont été sauvagement assassinées chez eux. Le commissaire Sébeil fait ses premières constatations. Il interroge tout d'abord les gendarmes Romanet et Bouchier. Prévenus par un motocycliste, ils sont arrivés sur place ce matin aux alentours de 7h15. Sur ce petit parking en bord de route, ombragé par un mûrier, stationne une voiture Hillman verte, immatriculée en Grande-Bretagne. Elle a été fouillée et tout autour, des objets divers sont éparpillés, dont des munitions, douilles et cartouches. Les lieux sont déserts, le silence total. Sur le macadam, des taches de sang attirent l'attention. Et de l'autre côté de la route, sous un lit de camp retourné, repose le corps d'un homme, 2 balles dans la poitrine. Puis, à 5 mètres du véhicule, non loin de la voie ferrée qui longe la Nationale, les gendarmes découvrent le cadavre d'une femme à moitié cachée sous une couverture grise. C'est à ce moment-là qu'ils sont alpagués par Gustave Dominici, un fermier de 32 ans, habitant non loin d'ici. Ce matin à l'aube, lui aussi a fait une découverte macabre. Il amène les gendarmes Bouchier et Romanet à une centaine de mètres de là, à la sortie du pont qui enjambe la voie ferrée. Le commissaire Sébeil refait le chemin avec eux. Et là, dans une mare de sang, gît le corps d'une fillette de 10 ans, le crâne fracassé. À côté d'elle, la crosse d'un fusil a été retrouvée. Dans son livre intitulé « L'affaire Dominici », édité chez Plomb en 1970, le policier confie l'émotion intense qui l'étreint alors. Depuis 18 ans, je n'ai pas pu oublier, et je crois que je n'oublierai jamais, le moment où je me suis agenouillé auprès du corps ensanglanté de la petite Elisabeth Drummond. Des cadavres en 30 ans de police, j'en ai vu des dizaines. Mais, penché au-dessus de cette petite fille massacrée, j'étais bouleversé. C'est à cet instant que je me suis juré de retrouver son assassin. Les victimes de ce triple crime sont une famille anglaise en vacances dans le sud de la France. Jack Drummond, diététicien de renom, son épouse Anne et leur petite-fille Elisabeth. La veille, ce 4 août 1952, vers 20h, ils décident de bivouaquer au bord de la route nationale. Vers 1h du matin, 5 à 6 coups de feu claquent dans la nuit. Leur paisible halte bucolique se transforme en cauchemar. Après avoir été photographiés, les corps des victimes sont transportés à l'hôpital de Fort-Calquier. Pour le commissaire Sébeil, l'enquête commence. Quelques heures seulement après son arrivée, l'arme du crime est retrouvée dans la Durance. Une carabine américaine rafistolée de la marque Rocala. Le chargeur est vide et il manque un bout de la crosse, celle-là même qui a été retrouvée à côté du corps de la fillette. Ne reste plus qu'à trouver le propriétaire de l'arme. La carabine parlera, promet le commissaire aux journalistes. Son regard se tourne naturellement vers la ferme la plus proche, la Grand-Terre. Modeste malgré son nom, elle se trouve à 165 mètres à peine des lieux du crime. Ici vit la famille Dominici, un véritable clan réuni autour de son patriarche Gaston, 75 ans. Avec sa femme Marie, surnommée la Sardine, ils ont 9 enfants et 14 petits-enfants. L'exploitation est désormais entre les mains du fils, Gustave. C'est le seul à vivre encore à Grand-Terre avec sa femme Yvette. Et c'est lui qui a découvert en premier le corps d'Elisabeth Drummond. Interrogé par le commissaire Sébeil, il explique sa version des faits. La voici. Le soir du drame, ce 4 août 52, vers 20h30, Gustave se rend sur l'une de ses terres. Par un excès d'arrosage, elle menace en effet de glisser et d'obstruer la ligne de chemin de fer. En rentrant, il aperçoit le campement improvisé des Anglais. Après une courte nuit, il est réveillé vers 1h du matin par les coups de feu secs et durs comme ceux d'une arme de guerre. Pas de cris, non, seulement les chiens qui aboient. Le calme revenu, il se rendort sans se poser plus de questions. Le lendemain matin, vers 5h30, il se rend à nouveau sur la voie ferrée pour surveiller l'éboulement. Et il repasse près de la voiture Hillman des Anglais, mais il ne remarque rien de particulier. Arrivé au petit pont sur le talus qui descend vers la Durance, il découvre alors le corps de la petite Elisabeth, le crâne défoncé à coups de crosse. Il rentre chez lui au plus vite. En chemin, il arrête un motocycliste de passage. Il faut prévenir la gendarmerie. Après cette première audition de Gustave, le commissaire Sébeil interroge les autres membres du clan de Milici. Qu'ont-ils fait cette nuit-là? Ont-ils, eux aussi, entendu les coups de feu? Gaston le père confirme, mais lui non plus n'est pas sorti pour voir de quoi il retournait. À 5h, comme d'habitude, il est allé garder ses chèvres. Ce n'est qu'à son retour, vers 8h, que son fils Gustave lui apprend la nouvelle. Il prétend d'ailleurs que c'est lui qui a retrouvé la crosse du fusil à côté du corps de la fillette. Sébeil se tourne alors vers le fils aîné de Dominici, Clovis, qui n'habite plus la Grand-Terre, mais il était l'un des premiers arrivés ce matin sur les lieux du crime. Le commissaire lui présente la carabine Rocola, trouvée dans la Durance. Bouleversé, les yeux écarquillés, il tombe à genoux. Reconnaît-il cette arme? Après quelques secondes de silence, Clovis se reprend. Non, il n'a jamais vu de sa vie. Puis c'est au tour d'Yvette, l'épouse de Gustave, d'être interrogée. Oh, elle n'est pas plus bavarde et répète presque mot pour mot les dires de son mari. Le commissaire Sébeil est méfiant, étrange, cette famille Dominici. Des coups de feu retentissent à 150 mètres de chez eux, pourtant personne ne se lève, non, personne ne voit rien. Et si, parmi eux, se cachait l'auteur des meurtres? Mais en attendant d'en savoir plus, il faut enterrer la famille Drummond. 2 jours après la découverte des corps, le 7 août 1952, les obsèques ont lieu dans le cimetière de l'Urse. Le drame horrible qui vient d'ensanglanter la petite ville de Fort-Calquier et qui a fait 3 cadavres appelle l'indignation universelle. Toute la population a accompagné au cimetière les restes de la famille Drummond, brutalement assassinée alors qu'elle campait dans les environs. L'enquête, malgré tous les efforts, n'a pas encore abouti. Le paysage garde son secret, la Durance son mystère. Près de la voiture des victimes, on a retrouvé l'arme du crime. Regardez-la bien, le moindre renseignement peut aider à retrouver l'assassin. Le commissaire Sébeil décide de s'installer à l'Urse pour poursuivre son enquête. Aidé par les gendarmes de la région et par le juge d'instruction Roger Périès, il recherche des témoins qui ont pu passer sur la route cette nuit-là. Il interroge les voisins, mais aussi des amis de la famille Drummond. En vain. Au bout de quelques jours, il faut se rendre à l'évidence, l'enquête s'annonce difficile. Aucun renseignement déterminant n'est disponible. Et puis cette arme porteuse de tant d'espoir, elle reste muette. À l'URSS, on aime guère les flics, oh, encore moins les magistrats. Un autre élément inattendu complique encore un peu plus leur travail, les journalistes. Dans cette France d'après-guerre, cette affaire est la première à connaître une telle frénésie médiatique. Jour après jour, la presse locale et régionale rend compte de l'enquête en cours. Les lecteurs se passionnent pour ce drame campagnard. Et tous connaissent à présent les noms de Sebeil, Dominici ou Drummond. Mais le jeu médiatique peut s'avérer dangereux. Les journalistes n'hésitent pas à dévoiler en effet le contenu de certains témoignages quand ils ne créent pas de toutes pièces des scoops larmoyants. Le quotidien François, par exemple, publie ex nihilo un faux carnet de voyage de la petite Elisabeth. Tenace, obstiné, le commissaire Sebeil ne peut s'empêcher de lorgner sur la grande terre, forteresse des Dominici, comme il explique dans ce reportage de l'ORTF, diffusé 20 ans après le début de l'affaire, en août 1972. Chaque fois, mes pensées revenaient à la grande terre, pour la raison bien simple que les deux hommes à la grande terre m'inquiétaient toujours davantage. Par exemple, je parlais du père Dominici, qui, lui, n'admettait pas que son fils me parle de l'affaire. Il vous a mis dehors, souvent ? Oui, oui, souvent, souvent. Et quelquefois, il faisait le geste de vouloir me poursuivre avec la canne. D'autres fois, je m'excuse du terme, il me disait par exemple, tu m'emmerdes, fous le camp d'ici. Et puis, certains autres jours, c'était un homme lunatique, un peu, je dirais. Eh bien, il me recevait bien, alors au besoin, il m'aurait dit, viens boire un café ou viens boire un coup de vin. Que je refusais, et j'ai toujours refusé, bien sûr. C'est vrai que Gaston Dominici est un vrai personnage, un personnage digne des romans de Giono. Avec ses petits yeux malins, sa grande moustache à la gauloise, ses traits brunés, son sens aiguisé de la répartie, il n'hésite pas à tutoyer le commissaire, qu'il appelle « gamin ». On le dit travailleur et solitaire, mais aussi colérique et orgueilleux. Un gars de la montagne, comme on n'en fait plus. Mais si Sebeil n'a de cesse d'interroger l'irascible patriarche, il n'en oublie pas pour autant son fils Gustave. Un témoin qui apparaît au fil des interrogatoires bien mal à l'aise, confus, taiseux. Finalement, deux mois après le drame, en 1952, il recueille à son sujet un témoignage accablant. Paul Maillet, cheminot à la SNCF, affirme que Gustave lui aurait confié que la petite Elisabeth était encore vivante lorsqu'il l'a découverte. Elle poussait des râles et son bras bougeait légèrement. Interrogé, Gustave avoue, c'est vrai, il n'a rien fait pour la sauver. Il est écroué deux mois à la maison d'arrêt de Digne pour omission volontaire de porter secours à une personne en péril. Si cet aveu de Gustave est une première victoire pour le commissaire, le butin est maigre et l'enquête s'enlise, pour de bon cette fois. Après avoir sillonné la région dans tous les sens et au-delà, rencontré des centaines de personnes et avoir fait pression sur toute la famille Dominici, les enquêteurs sont en panne. À la fin du mois de décembre, la Marseillaise titre « Rideau ». L'enquête, dit-on, est momentanément abandonnée. Le commissaire Sebeil, lui, reste sur place et décide de repartir à zéro. Pendant 10 mois, avec une méticulosité quasi maniaque, il reprend un à un tous les procès-verbaux de l'affaire, les confronte, traque les incohérences, et elles sont légion. Entre les dépositions de Gaston le père, Clovis et Gustave les fils, Roger Perrin le petit-fils, mais aussi Yvette la belle-fille, c'est un va-et-vient continuel de propos tenus par les uns, contredits par les autres, le ton est bizarre, et le tout sur fond de mensonges éhontés. Alors, il les interroge à nouveau, tous ces témoins, et il parvient, finalement, à glaner quelques informations intéressantes. Le commissaire découvre, par exemple, que le corps d'Anne Drummond a été déplacé entre le moment de sa mort et l'arrivée des gendarmes. Mais ce n'est pas tout, comme le révèle le policier dans ce même reportage pour l'ORTF en 1972. Au cours de cette reprise de l'enquête, j'ai accumulé 4 arguments contre Gustave, à savoir, d'abord, qui se trouvait dehors au moment des coups de feu, car il avait dit à Paul Maillet, « Si tu avais vu, entendu ces cris, je ne savais plus où me mettre. » Deuxièmement, J'ai su par Roger Perrin, son neveu, que les Anglaises, contrairement à ce qu'ils avaient toujours affirmé, étaient venues le soir à la ferme, c'est-à-dire la mère et la fille, pour y chercher de l'eau. Troisièmement, j'ai appris par les fossoyeurs que c'était eux-mêmes qui avaient trouvé l'éclat de la crosse de la carabine, et non le père Dominici, comme il l'avait toujours prétendu. Cinquièmement, enfin, le déplacement du cadavre de Lady Drummond par Gustave. Et fort de ces points qui étaient capitaux pour moi, j'ai donc amené Gustave au palais de justice de Digne, où j'ai repris l'interrogatoire. Le 12 novembre 1953, 15 mois après le début de l'enquête, le commissaire Sebeil et Gustave Dominici se retrouvent donc face à face. Mais le rapport de force a changé. Au cours de ces 12 jours d'interrogatoire, le mur de défense construit par Gustave se fissure peu à peu. Oui, il a bien entendu crier les Anglais juste après les coups de feu. Oui, il s'est rendu à plusieurs reprises sur les lieux du crime la nuit du drame. Et oui, c'est bien lui qui a déplacé le corps d'Anne Drummond juste avant l'arrivée des gendarmes. Alors le commissaire Sebeil ne lâche plus. Enfin, comment admettre qu'un simple témoin décide de déplacer le cadavre d'une femme? À bout de force, il avoue qu'il cherchait les balles tombées à terre. Puis, Gustave s'effondre en larmes sur l'épaule du commissaire. Il va tout dire, enfin! Il est conduit devant le juge d'instruction, Périès, qui prend sa déposition. Après les coups de feu, je voulais avouer. Je ne m'étais pas rendormi. Jusque vers 4 heures, je n'ai entendu aucun bruit dans la maison. Lorsque j'ai entendu les bruits de pas de mon père, qui, je le supposais, se levait, je suis descendu dans l'intention de l'interroger sur ce qui s'était passé à 1h du matin. Je lui ai dit « As-tu entendu les coups de feu ?»« Oui, m'a-t-il répondu, puisque c'est moi qui les ai donnés. » En prononçant ces paroles, mon père avait l'air très calme. Je lui ai demandé s'il n'était pas devenu fou. Il m'a répondu que non. Il m'a dit qu'il était allé se promener et qu'il s'était rencontré au chemin avec les Anglais qui étaient venus la veille à la ferme. Ils auraient discuté, mais il ne m'a pas dit l'objet du grabuge. C'est là qu'il avait tiré. Mon père ne m'a pas précisé sur qui il avait tiré en premier lieu. En tout cas, il m'a dit qu'il avait tué toute la famille. Et voilà que le fils accuse le père. Le drame de l'ours devient une tragédie grecque. C'est alors qu'un troisième protagoniste fait son entrée. Clovis Dominici, le fils aîné, entendu lui aussi par le commissaire Sebeil. D'abord réticent, il confirme les dires de son frère. Quelques semaines après le meurtre de la famille Drummond, à la fin d'un dîner arrosé, son père lui aurait avoué s'être levé cette nuit-là vers 1h du matin. Sa carabine à la main, il voulait vérifier l'éboulement sur la voie ferrée. Il est passé à côté de la voiture Ilvan. Et puis, une dispute a éclaté. En patois, il a terminé par ces mots. « Je n'ai peur de personne. C'est moi qui ai tué les Anglais. » Clovis ne pose pas d'autres questions. Ils n'en ont jamais reparlé depuis. Le commissaire l'interroge alors sur l'arme du crime, la carabine rafistolée Rocola. Elle appartient bien à son père, caché jusque-là dans le garage de la Grand-Terre. Sebeil jubile. Si les deux frères ne donnent pas beaucoup de détails et qu'il lui manque encore des preuves matérielles irréfutables, l'enquête prend enfin un tournant décisif. Le vendredi 13 novembre 1953, Gaston Dominici est mené au palais de justice de Digne. Alors, le vieux patriarche passera-t-il aux aveux? Sortira-t-il enfin de son mutisme forcené? Il y avait des temps et des temps, je ne m'étais pas servi de mes dents. Je ne mettais pas de vin dans mon eau, ni de charbon dans mon fourneau. Tous les croque-morts silencieux me dévoraient déjà des yeux. Ma dernière heure allait sonner, c'est alors que j'ai mal tourné. N'y allant pas par quatre chemins, j'estourbisonne un tournemain. En un coup de bûcher excessif, un octambule en or massif. L'échafouré, quand ils l'ont su, m'ont posé la patte dessus. Pour m'envoyer à la santé, me refaire une honnête. côté. Machin, chose, un tel, une telle, tous du commun des mortels furent d'avis que j'aurais dû en bonne justice être pendu à la lanterne. Et sur le champ, ils se voyaient déjà partageant m'accordant tout bien tout honneur en guise de porte-bonheur. Au bout d'un siècle, on m'a jeté à la porte de la santé. Comme je suis sentimental, je retourne au quartier natal, baissant le nez, rasant les murs, mal à l'aise sur mes fémurs, m'attendant à voir les humains se détourner de mon chemin. Il y en a un qui m'a dit « Salut, te revoir, on n'y comptait plus. » Il y en a un qui m'a demandé des nouvelles de ma santé. Alors j'ai vu qu'il restait encore du monde et du beau monde sur terre. Et j'ai pleuré le cul par terre, toutes les larmes de mon corps. Voici l'assassin. Gaston Dominici, le grand-père, a avoué son crime. La veille encore, malgré les dénégations forcenées des femmes de la famille qui injuriaient les enquêteurs, sa culpabilité ne faisait plus de doute. Ses deux fils, Gustave d'abord, Clovis ensuite, qui avait fini par parler après 15 mois de silence, avait montré dans une grange de la Grand-Terre la place où le père était allé décrocher l'arme avec laquelle il allait abattre la famille Drumont et qu'il avait ensuite jeté dans un trou de la Durance. À nouveau, malgré les cris et les serments des femmes, Clovis et Gustave remontaient en voiture pour être ramenés à Digne. À Digne, au palais de justice, l'audition de l'aïeul se poursuivait. C'est là qu'après 36 heures d'interrogatoire, il devait dire enfin « C'est moi ». Le 14 novembre 1953, 15 mois après le triple meurtre de la famille Drummond et quelques heures après les accusations de ses deux fils Gustave et Clovis, Gaston Dominici passe lui aussi aux aveux, mais à sa manière. Ce jour-là, interrogé sans succès par le commissaire Sébeil, sa garde du soir est confiée au gardien de la paix Guérino, un petit gars du pays qui parle lui aussi le provençal. Alors, Gaston se détend. Et il évoque, nostalgique, ses parties de chasse aux lièvres, sa ferme, ses vignes, ses chèvres. Il lui parle aussi de sa famille, ses 14 petits-enfants et sa femme, la sardine, qu'il n'a jamais aimée. Un moment d'apitoiement traversé par quelques sanglots. Puis, la tête basse, il s'exclame « Ah, cette petite !» Guérino retient son souffle. Et prudemment, il lui demande s'il a quelque chose à dire. « Eh bien oui, » répond-il, « c'est un accident, ils m'ont attaqué, je les ai tués tous les trois. » Guérino reste bouche bée. Le vieux vient d'avouer être le meurtrier des Drummond. Guérino se dépêche d'aller chercher le commissaire Prudhomme de Digne. Gaston Dominici lui dira tout, promis. Mais attention, hors de question d'en parler au commissaire Sébeil. Le gamin, comme il l'appelle, serait bien trop content. Face à Prudhomme, pourtant, il change sa carabine d'épaule. Il veut bien l'avouer, oui, par écrit. Le triple meurtre des Anglais, même s'il est innocent, car le vrai coupable, selon lui, c'est Gustave, son bandit de fils. D'ailleurs, l'arme de crime lui appartient. Mais pour sauver l'honneur de ses petits-enfants, il est prêt à tous les sacrifices. Consternation sur les bancs de la police. Sa déposition est irrecevable, bien sûr. Prudhomme le prend alors entre quatre yeux. Il lui demande, il le questionne, il tente de trouver une explication aux agissements du vieillard. La paillardise, peut-être. Tiens, Gaston n'y a pas pensé, mais finalement, pourquoi pas. Voilà donc sa déposition, commissaire Sébeil. Avec un luxe de détails aussi invraisemblable qu'indécent, il raconte son aventure sexuelle avec la lady anglaise. Surpris par le mari, il s'empoigne et Gaston finit par le tuer. La femme crie et il lui tire dessus. La fillette s'enfuit, il la rattrape et lui assène un coup de crosse dans la tête. Gaston signe son procès-verbal et adresse à Sébeil ces quelques mots. J'espère que vous avez compris. Il y a 20 ans que je m'entends plus avec ma femme. Je suis trop vieux pour divorcer. J'ai là une occasion de m'enlever du milieu. Gaston de Médicis ou l'art d'instiller le doute. Enfin, quoi qu'il en soit, la justice dépose désormais d'aveux, fragiles certes, mais des aveux quand même. Deux jours plus tard, le 16 novembre 1963, à la Grande-Terre, une dernière reconstitution est organisée. Malgré les routes barrées, c'est devant une foule où l'on reconnaissait Paul Maillet, l'un des premiers témoins, que Gaston Dominici a été ramené à la Grande-Terre pour la reconstitution de l'effroyable drame. Sous la direction du commissaire Sébeille, autour de la voiture des Drummond ramenée pour la circonstance, on revoyait se dérouler les phases du crime. On revoyait Gaston Dominici faire les gestes de la nuit tragique. Le silence est brisé. Grâce aux efforts du commissaire Sébeille, enfin triomphant après 15 mois de patience, le crime aura son châtiment. Les trois victimes de l'affreux vieillard seront vengées. La justice a eu le dernier mot. En attendant le procès de Gaston Dominici, qui doit se tenir un an plus tard devant la cour d'assises de Digne, de nouveaux coups de théâtre viennent ponctuer cette affaire, qui décidément n'en manque pas. Un mois et demi après ses aveux, Gaston, en effet, se rétracte. Soutenu par son avocat, maître Émile Polac, ténor du barreau marseillais, il nie à présent être l'auteur des crimes. Le juge Périès décide alors de confronter le père et le fils. Clovis, l'aîné, maintient ses accusations. Gustave, en revanche, fait marche arrière. Il s'en explique 6 ans plus tard face aux caméras de l'ORTF dans l'émission 5 colonnes à la une, diffusée le 8 avril 1960. Gustave Dominici, il y a 8 ans, à quelques mètres de cette cour de ferme où nous sommes assis en ce moment tous les deux, un crime abominable a été commis. Oui. Après quelques piétinements de l'enquête, vous, Gustave Dominici, vous avez accusé votre père d'être l'auteur de ce crime. Et puis vous vous êtes rétracté, et depuis lors, et au procès, vous avez juré que votre père était innocent. Oui, je maintiens ce que j'ai dit au procès, quoi, que mon père est innocent, et d'ailleurs, nous sommes tous innocents, quoi. Votre position n'a donc plus varié depuis le procès? Non, je n'ai jamais varié. Dans ces conditions, pourquoi, à un certain moment, avez-vous accusé votre père d'être l'auteur du crime? Parce que, qu'est-ce que vous voulez, ils m'ont gardé 4 jours dans le bureau de la police, à Digne, dans le palais de justice, et ils m'ont dit que si c'était pas mon père, c'était moi, et qu'on montrait mes 3 fils, quoi, à l'assistance, et que ma femme serait en prison, que moi aussi, et que... Alors, qu'est-ce que vous voulez, ça a été pour, au bout de mes forces, que j'ai avoué que mon père était l'assassin du crime. Mercredi 17 novembre 1954, cour d'assises de Digne. Ce matin, aux premières heures du jour, une foule compacte se masse devant les portes du tribunal. Et peu importe la pluie torrentielle et le vent glacial, aujourd'hui s'ouvre le procès du siècle, celui de Gaston Dominici. Au milieu des témoins et des curieux, on retrouve les journalistes omniprésents depuis le début de l'affaire. Une couverture médiatique inédite. 150 reporters du monde entier sont là, accompagnés d'une 50aine de photographes. À l'extérieur du palais de justice, des cabines téléphoniques et des bélinographes, ancêtres du fax, sont installés. Pour l'occasion, les journaux ont dépêché leurs meilleures plumes. Pierre Cise pour Le Figaro, Armand Salacrou pour François, mais surtout Jean Giono, installé juste derrière le président de la cour, Marcel Bousquet. Et voilà la littérature qui vient au chevet de la justice. Tous attendent avec impatience le dernier acte de cette affaire tentaculaire et peut-être l'ultime révélation qui lèvera enfin le voile du mystère. Au centre des débats, bien sûr, Gaston Dominici, 77 ans. Alors, coupable? Seul coupable? Est-ce un crime crapuleux, absurde ou sexuel? Le procès va durer 11 longues journées durant lesquelles les observateurs retiendront surtout une immense sensation de désordre. Le clan Dominici s'opère dans les contradictions et les déchirements familiaux étalés au grand jour. Les caractères se révèlent. Clovis maintient ses accusations contre son père. Gustave, lui, se défile. Roger Perrin, le petit-fils, nie en ricanant. Les femmes, elles, ont le cœur dur, la parole secrète. Les critiques s'étendent au président lui-même, qu'on dit partial. L'avocat général dresse un réquisitoire où règne l'absence de preuves. Il termine par ces mots. Pas de pitié pour cet homme qui n'a pas eu pitié d'un enfant. Le 28 novembre 1954, après 2 heures de délibération, le verdict tombe. L'une des plus grandes affaires du siècle touche à sa fin. C'est maintenant l'heure du verdict. Et dimanche après-midi, pendant que sous la pluie battante, la foule attendait, le défenseur de Dominici, Maître Polak, tentait, dans une vigoureuse défense, de détruire l'effet du réquisitoire de l'avocat général. Tâche vaine. Le jury répondait oui aux 7 questions posées. Gaston Dominici doit payer de sa tête le crime de l'URSS, qui n'a pas fini cependant de remuer les consciences et les passions. Au lendemain du verdict, le vieil homme condamné à mort annonce qu'il a encore des révélations à faire. 2 policiers parisiens sont chargés d'une contre-enquête au grand désespoir du commissaire Sébeil. Gaston Dominici explique une fois de plus qu'il n'est pas coupable, ou en tout cas, pas le seul coupable. Et un partage des rôles se dessine. Gustave aurait peut-être commis les meurtres des parents Drummond, tandis que Gaston aurait achevé Elisabeth à coups de crosse. Mais le 13 novembre 1956, en dépit d'un travail acharné, le juge rend une ordonnance de non-lieu. À ce stade, ne reste que le recours en grâce. Eh bien, c'est chose faite. Le 3 août 1957, le président René Coty commue la condamnation à mort en travaux forcés à perpétuité. Puis, le 14 juillet 1960, après 8 ans de prison, le président de Gaulle gracie le plus vieux des prisonniers français. Gaston Dominici est alors âgé de 80 ans. 5 ans plus tard, dans un hospice de Digne, il meurt de sa belle mort, emportant dans sa tombe le mystère des crimes de l'URSS. Au clap de fin, l'affaire Dominici fera une dernière victime collatérale, le commissaire Sébeil. Dans ce reportage, datant de 1972, l'un de ses collègues évoque sa mise au placard. Depuis que Sébeil a découvert la vérité sur l'affaire de l'URSS, il a été en butte à toutes sortes de brimades. Vous savez comment ça s'est soldé? Quand il a découvert les criminels, le criminel plutôt, on lui a promis la Légion d'honneur, on l'a fait monter à Paris, il y a eu des banquets à la police, ça a été le grand homme de la police française. Pour se retrouver quelques mois après, commissaire à la Belle de Mai, parce qu'on lui avait fendu l'oreille, il avait eu tort, je crois, petit commissaire de police marseillais, de traiter une des affaires qui a été l'une des plus considérables du siècle sur le plan même de la publicité. Affaire lancinante, le dossier Dominici s'inscrit en lettres sombres dans l'histoire de la chronique judiciaire française. Car pour certains, il demeure ce qu'il y a de pire en la matière, une gigantesque erreur judiciaire. Dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my walking with the wind to watch the cactus bloom. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Dominici avec notre invité Jean-Louis Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Marseille, je vois que vous m'entendez bien. C'est parfait. Vous êtes un ancien commissaire de police et vous avez consacré de nombreuses années à mener une nouvelle enquête sur le triple crime de l'URSS, l'affaire Dominici. Le résultat passionnant est à lire dans votre livre. Alors c'est une somme, 650 pages, intitulée « Affaire Dominici, la contre-enquête », publiée l'an dernier aux éditions Vendémiaire. D'abord et avant tout, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette vieille affaire ? Ben, écoutez, je m'y suis intéressé un peu comme beaucoup de gens. C'est une affaire qui passionne, mais si vous voulez, j'avais pour elle un intérêt normal, moyen, disons. Et en revanche, mon intérêt s'est trouvé accru lorsqu'on a parlé de cette histoire d'espionnage sortie par le journaliste William Raymond dans un livre. On y reviendra d'ailleurs. D'accord. Voilà, et après l'apparition d'un film dans lequel on voit Michel Serrault et Michel Blanc qui jouent donc les principaux personnages. Et donc cette histoire d'espionnage m'a quand même un peu intrigué, parce que moi j'en étais resté à une histoire, en gros, Gaston Dominici, Gustave, etc. Et à partir de là, donc j'ai voulu m'informer davantage, donc j'ai cherché sur Internet, j'ai lu des bouquins, j'ai consulté l'archive police qui se trouvait au SRPJ de Marseille, enfin à la DIPJ maintenant, à l'évêché, et donc par la suite j'ai eu accès au dossier judiciaire complet qui est conservé à Digne. Et si vous voulez, je me suis intéressé à cette affaire parce qu'en fait, un de vos prédécesseurs, Jean Laborde, dont vous avez parlé d'ailleurs, l'avait écrit, il avait dit, pour quiconque s'en occupe, l'affaire Dominici se transforme en obsession. Elle crée dans les esprits un ronronnement dont il est impossible de se délivrer. Alors je vous dis pas que je suis toujours absolument occupé par l'affaire Dominici, mais c'est vrai que c'est une affaire qui, lorsqu'on commence à s'y intéresser, vous prend, quoi, voilà. Mais au-delà, pourquoi est-ce qu'elle nous prend autant, et effectivement, pourquoi cette affaire-là, tout le monde la connaît, on connaît pas forcément l'histoire, hein, mais l'affaire Dominici, tout le monde sait que ça renvoie à un patriarche qui a tué ou pas c'est tué, ça, voilà, il a été condamné, mais qu'est-ce qui fait, oui, quels sont les ingrédients qui font que cette affaire-là, elle passionne toujours autant? Ben moi je pense qu'il y a deux choses essentiellement. La première, c'est qu'on n'a jamais su et on ne sait toujours pas précisément qui a fait quoi. Moi, vous savez, dans cette affaire, j'ai des convictions, mais elles ne sont pas absolues et totalement détaillées. Premier point. Et puis, deuxième point, bon, c'est vrai que les personnages eux-mêmes sont exceptionnels. Orson Welles l'a dit. Et ces personnages-là, notamment Gaston, c'est un homme de la terre, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un homme qui aurait pu être, à l'époque, le père et le grand-père de beaucoup de gens. Il y a toute une galerie de personnages absolument hors du commun. Il y a aussi cette tragédie familiale, les gens qui se battent entre eux, qui se battent au sens figuré du terme, bien entendu, qui se déchirent, et à la fin, eh bien, un vieil homme qui est condamné à mort, et alors que, évidemment, on ne sait pas précisément s'il est coupable de tout, exactement comme la justice l'a dit. Donc, un mystère, une énigme. Est-ce que le côté rural, voire le côté pastoral, hein, puisque Dominici emmenait ses chèvres, ça joue aussi? Il y a les crimes urbains, on les connaît, mais les crimes ruraux, comme ça, est-ce que ça joue dans l'intérêt qu'on peut y porter? Oui, moi je le crois. Après, bon, ce qui se passe aussi, c'est que vous l'avez dit vous-même là tout à l'heure, c'est une affaire qui a énormément intéressé les médias à l'époque. C'est devenu un véritable feuilleton. Vous avez des tas d'affaires criminelles dont on parle avec, on arrête le coupable et on découvre les crimes après. Là, on découvre, les crimes se produisent et pendant des mois, la France entière se passionne pour la suite de l'affaire. Qui est derrière ça? Est-ce que c'est Gustave? Parce que c'est Gustave, au départ, qui est quand même le principal suspect de Sébeille, contrairement à ce qu'il dit après. Hein. Ouais. Pendant des mois, Sébeille, il voit Gustave dans sa ligne de mire. Et les gens... Puis bon, il y a aussi la mort de cette petite fille âgée de 10 ans qui meurt dans des conditions quand même assez terrible, hein. Et donc, tout ça, évidemment, ça passionne les gens, quoi. Parce que le crime passionne de toutes les façons, hein. C'est bien connu. Bon, Jean-Louis Vincent, vous n'échapperez pas à la question compliquée. Votre intime conviction, qui a tué, pour vous? Alors, mon intime conviction, parce que ça, je vois d'ailleurs arriver derrière une autre question qu'on me pose toujours. Mon intime conviction, moi, c'est que ce sont les Dominici qui sont responsables, qui sont concernés par cette affaire. Ça, c'est le premier point, c'est très important. Ensuite, dire précisément là-dedans qui a fait quoi, quel est le rôle de chacun exactement, j'ai mon idée, mais je veux dire, ça c'est plus compliqué, et en fait, ça a été dit tout à l'heure, il n'y a pas dans cette affaire de preuves matérielles, ça il faut le dire, il n'y a pas de preuves matérielles, il n'y a que l'intime conviction. Alors moi, ma conviction, c'est que ce sont les Dominici. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que, déjà, Gaston Dominici avoue devant un gardien de la paix, qui, en gros, ne lui demandait rien. Bon, il n'était pas tenu de le faire, hein. Le gardien de la paix, dans le dispositif, il n'a aucune importance. Il renouvelle ses aveux. Il est quand même accusé par deux de ses fils. Mmh. Moi, je voudrais quand même... Parce que ça, c'est une question que beaucoup de gens, souvent, survolent. Comment peut-on expliquer, dans une affaire, que si les Dominici n'y sont absolument pour rien, mais alors vraiment pour rien, totalement innocents, comment est-ce qu'on peut expliquer que deux fils... donc innocent, accuserait un père lui-même innocent. Enfin, on serait dans une famille de gens pour le moins bizarres. Enfin, je veux dire, donc il y a bien quand même quelque chose qui se passe au niveau des Dominici. Moi, ma conviction, donc, c'est que ce sont les Dominici. Je crois, après, en fonction des aveux de Gaston, l'histoire de deux pantalons qui séchaient à la ferme, qui ont été vus le 5 au matin, le fait que la carabine est une carabine d'origine locale, tout cela me montre bien que ça vient donc de chez les Dominici. Ma conviction, c'est que Gaston Dominici, qui était un homme violent, colérique, contrairement à l'image qu'on en donne parfois, celle du bon grand-père, c'est pas vrai ça. Gaston Dominici était un type qui buvait et qui était capable d'accès de violence très important. Je pense, moi, que Gaston Dominici a certainement tué les parents. Et ensuite, alors, on s'est retrouvé avec un gros problème. D'abord, il n'y avait plus de cartouches dans la carabine, parce que le chargeur, quand elle a été retrouvée, le chargeur était vide. On s'est retrouvé avec un gros problème, la petite fille. Que fait-on avec cette petite fille si on la laisse vivre, parce qu'il n'avait pas envie de la tuer. Je suis bien certain que Gaston Dominici n'était pas parti pour tuer ces gens-là. Mais si on la laisse, cette gamine, elle va parler, bien évidemment. Donc, on décide de la supprimer. Et ça, c'est un aspect de l'affaire qui n'a pas été retenu par la justice, qui est beaucoup plus grave et plus important, si vous voulez, que ce qui, justement, a été retenu. Et c'est ça qui explique, à mon avis, les allées et venues dans cette affaire entre eux, les accusations réciproques, sans que jamais on aille jusqu'au bout des déclarations, parce que la mort de la fillette, c'est la partie indicible de l'affaire. Mais si ça avait été retenu par la justice, je prétends, moi, qu'ils auraient été plusieurs à être condamnés à mort et exécutés. En tout cas, je suis reconnaissant que vous répondiez à mes questions, y compris celles que je ne vous pose pas, mais c'est bien, en tout cas, oui. Ça permet d'avancer. La question à laquelle vous vous attendiez peut-être est la suivante, d'accord, mais pourquoi il est tué au départ? Pourquoi au départ? Voilà, ben c'est, ah ben voilà. C'est bien la question à laquelle je m'attendais, parce que c'est la question qu'on pose chaque fois, c'est celle du mobile. Elle est légitime, la question. Oui, absolument. Bon, alors. Absolument. Alors moi, je réponds chaque fois la même chose, je dis, il existe des crimes, comme d'ailleurs l'avait dit l'avocat général Rosan, il avait dit, c'est un crime de la colère. Les crimes de la colère, ça existe. Et moi, personnellement, dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler sur quelques affaires comme ça, où des gens ont tué une autre personne pour des raisons. Au départ, on se dit, mais enfin, c'est pas possible. Pourquoi avoir tué cette personne pour des histoires parfois entre automobilistes, comme disent certains, pour une place de parking. Oui. Alors évidemment, ce sont des situations qui dégénèrent. Gaston Dominici, j'ai bien la conviction que lorsqu'il est sorti de sa ferme pour aller voir l'éboulement, il n'avait aucune intention de tuer qui que ce soit, puisque on avait même donné de l'eau à ces personnes dans l'après-midi précédente. Donc, il n'y avait aucune intention de tuer. Par contre, Jacques Drummond le voit passer dans le coin avec probablement peut-être son fils Gustave avec lui, je ne sais pas. Il s'interroge, il se dit, mais que font ces gens-là qui viennent tourner autour de notre campement? Et il est possible, c'est très possible, que il leur demande de s'écarter, qu'il les enguirlande, si vous me permettez l'expression. Mmh. Et là, la situation dégénère. Gaston Dominici, c'est un chef chez lui, c'est un maître. Pour lui, tout le territoire qui est autour de sa ferme lui appartient. Il n'accepte pas qu'on se permette de le traiter de cette façon. Ce que je crois, c'est qu'il est très possible qu'il soit revenu à sa ferme pour aller chercher une carabine, non pas pour tuer, mais pour faire peur. Vous savez, des paysans qui agissent de cette façon, ça se faisait à l'époque. Hein. Ils arrivaient avec un fusil, s'il le fallait même, ils tiraient un coup de feu à l'air, et puis comme ça, vous aviez bien compris qu'il fallait s'en aller. Quoi. Et malheureusement, l'affaire dégénère. Voilà, parce qu'il l'a expliqué, il le dit. Jacques Drummond est arrivé vers moi, il a saisi la carabine, le premier coup de feu est parti accidentellement, et après, la suite a dégénéré. Voilà. En gros, c'est, si on veut résumer, parce que ça paraît tellement incroyable, qu'est-ce que vous faites là sur mon territoire? Partez, ça se passe mal et on tue. En gros, c'est ça. Oui, parce qu'au départ, il y a une dispute certainement entre eux. Et Gaston Dominici, je vous ai dit, est un homme d'un caractère irascible. C'est un violent, donc il n'accepte pas cette situation. Il veut les faire partir. Et ensuite, la situation dégénère. Oui. Moi, je ne dis pas, je n'étais pas là, évidemment, pour pouvoir le dire, bien sûr. Mais c'est une chose qui me paraît tout à fait possible. J'ai vu, moi, je vous dis des affaires. J'ai le souvenir, je ne vais pas vous raconter une affaire que j'ai traitée par ailleurs, mais j'ai le souvenir d'une affaire dans laquelle un homme qui habitait au-dessus de l'appartement d'une vieille dame est allé la voir. Ils ont parlé de son fils. Il lui a dit, mon fils a des problèmes, il n'a pas de travail, etc. La vieille dame lui a dit, ton fils est un bon à rien, etc. Il a, comme il a dit par la suite, si vous me permettez l'expression, il a pété un plomb, il l'a frappé, il a pris le four micro-ondes qui était dans la cuisine, il lui a écrasé sur la tête, il a tué la vieille dame. Non. Alors, ce sont des choses qui se produisent. Non, mais j'imagine et je vous crois parfaitement. Je m'appuie sur votre expérience, pas, ouais. Monsieur. Mais il n'y a aucun problème. Alors, oui. On va écouter maintenant Edmond Sebeil, hein, le commissaire Sebeil. Alors là, il s'exprime le 12 août 1972, 20 ans après le meurtre de la famille Drummond, et il revient sur les lieux du crime accompagné des caméras de l'ORTF. Alors, il est sorti de la maison qui est à 160 mètres. Alors, il est sorti de la maison qui est située à 160 mètres du pont, n'est-ce pas? Il l'a suivi le long de la route nationale et en arrivant au renfoncement, il s'est trouvé tout à coup en présence des Anglais qu'il avait vus la veille, mais dont certainement il ne se rappelait plus de la présence. Et quand il est arrivé à hauteur du campement des Anglais, qui était ici, il était toujours très en colère contre sa femme et son fils qui rendaient responsables de cet éboulement. Et en arrivant devant le campement, l'Anglais s'est levé immédiatement, a pris peur quand il s'est trouvé en présence d'un homme hirsute et armé d'une carabine. Il a essayé de le désarmer. Il a pris la carabine et au cours de la bagarre qui s'en est suivie, un premier coup de feu est parti. À ce moment-là, il a tué, affolé, complètement affolé, il a tué l'Anglais, il a tué sa femme. La petite est partie encore avant l'endurance, il l'a poursuivie et il y a asséné plusieurs coups de crosse sur la tête pour ne pas qu'elle parle. C'est le crime de l'incompréhension. C'est le crime de l'incompréhension, c'est le crime de la colère. De l'incompréhension d'abord, parce qu'il ne pas chacun parler en sa langue, et de la colère ensuite, qui était, cette colère était due à, surtout à cet éboulement. Eh bien voilà, Jean-Louis Vincent, vous voyez, le commissaire Sebeil arrive exactement aux mêmes conclusions que vous. C'est pour ça qu'on a passé l'archive. C'est plutôt moi qui arrive aux mêmes conclusions que lui. Mais en fait. Oui, c'est ça. Alors tiens, parlons-en du travail du commissaire Sebeil. Quel regard vous portez sur le travail qu'il a effectué? Ah ben écoutez, c'est bien, alors aussi je vois où vous voulez m'amener, mais bon, non, c'est vrai que le commissaire Sebeil, bon, a commis peut-être quelques petites erreurs, mais le commissaire Sebeil, il n'avait pas une situation très facile, les moyens de l'époque n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, il est arrivé, bon, un peu tard sur la scène de crime, qui n'avait pas été, protégée comme elle aurait dû l'être. Oui. Il a négligé le premier jour une histoire de pantalon séché. Oui, parlez-moi de ce pantalon. Peut-être. Ce pantalon, il a un de ses inspecteurs qui va du côté de la ferme et qui remarque un pantalon en velours en train de sécher, étendu devant la cuisine de Gaston Dominici. Et cet inspecteur se dit tout de même, le jour où on découvre trois cadavres près de la ferme, il y a les magistrats, il y a les policiers, il y a les gendarmes, il commence à y avoir des journalistes, il y a plein de monde, on lave un pantalon ce jour-là, il trouve ça un peu curieux, donc il demande à Gaston Dominici, comment ça se passe ici, la lessive, etc. Et Gaston lui dit, mais ma femme est âgée, elle ne lave plus, donc ce sont mes filles qui lavent le linge. Alors évidemment, le policier dit, mais le pantalon qui sèche. Alors Gaston lui dit, écoutez, ce pantalon, parce qu'il tutoie tout le monde, Gaston Dominici, il dit à l'inspecteur, demande à Gustave. L'inspecteur va voir Gustave, il lui dit, le pantalon en velours qui sèche là-bas, devant la cuisine, qu'est-ce que c'est? Et Gustave lui répond, lui dit, mais moi je ne porte pas de pantalon en velours, je ne porte que des bleus. Donc, ce n'est pas à moi, c'est à mon père. Bon, l'inspecteur se dit, tiens, tout de même, on se renvoie à la patate, bon, c'est un peu curieux. Il va voir le commissaire Sebeil, il lui explique ça, il lui dit, voilà ce qui vient de se passer. Et le commissaire Sebeil, qui probablement est un peu pris dans son affaire de constatation, qui s'est fait un peu rabrouer par le juge à son arrivée, etc., il lui dit, laissez tomber, occupez-vous d'autre chose. Pantalon terminé, on n'en parlera plus, alors que ce pantalon a peut-être, je n'en suis pas certain, mais probablement a été lavé, certainement pour une bonne raison, peut-être il était taché de sang. Un deuxième pantalon a été vu derrière les volets de la entrebâillés de la fenêtre de la chambre de Gustave. Donc ce jour-là, à la Grande Terre, on a lavé de pantalon. Alors après, ce n'est pas évidemment ça une preuve qu'on peut absolument avancer, c'est tout de même un élément un peu curieux, quoi. Bon, eh bien, ça n'a pas été exploité. Si on avait immédiatement procédé à une perquisition, peut-être qu'on aurait pu, on aurait analysé donc les pantalons, et à l'époque on avait les moyens de le faire, on aurait pu déterminer peut-être qu'il y avait du sang humain sur le pantalon. Et à ce moment-là, il aurait fallu que Gaston Dominici donne des explications tout de même. Mais ça n'a pas été fait. Pour le reste, Sebeil a fait du mieux qu'il a pu. Il est tombé sur des personnes qui, et si vous avez lu mon livre, vous l'avez vu, des personnes qui ont battu tous les records dans le festival du mensonge. Ça a été vraiment un feu d'artifice de mensonges dans tous les sens, d'accusations, de rétractations, de contradictions. Enfin, c'était extrêmement compliqué. Donc le commissaire Sebeil, il a fait aussi avec les éléments de l'affaire. Alors, revenons sur cette piste de règlement de compte post-résistance. Drummond, agent secret britannique, aurait été liquidé. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, cette histoire? Racontez-moi. Alors, il faut savoir, parce que si vous me parlez de la... Il y a deux choses. La résistance, c'est une chose. Certains disent, oui, l'ancien maquisard aurait pu venir le tuer, etc. Ça, c'est une affaire qui a été avancée, entre autres, par Giono, également par un nommé Gabriel Domenech, qui a écrit un livre là-dessus. Ça ne repose que sur de simples suppositions, mais il n'y a jamais eu le moindre commencement d'investigation là-dedans. On n'a jamais donné aucun nom, rien du tout. Vous avez un livre qui a été écrit par un nommé Jean Garcin, dans les Alpes d'Haute-Provence, qui a écrit un truc très complet sur la résistance. À aucun moment on ne trouve le nom de Dominici. Les Dominici n'étaient pas concernés par des histoires de résistance. Et puis bon, la résistance, la libération du pays, c'est 44. L'affaire se passe en 52. Des anciens maquisards qui seraient venus tuer Drummond 8 ans après, moi, j'ai un peu de mal à y croire. Et l'histoire de l'espionnage, alors c'est quoi? Alors, l'histoire de l'espionnage, là, on nous a dit que donc Jack Drummond était un espion. Je démontre dans mon livre que ce qu'a écrit William Raymond est faux. Il dit il y a une trace de l'appartenance de Jack Drummond à l'opération Paperclip, récupération de savants nazis après la guerre. Mm-hmm. Et il dit que son nom figure dans un rapport qui est conservé aux États-Unis à Washington. J'ai eu la possibilité d'avoir ce rapport grâce à une personne qui a bien voulu y aller là-bas. Et le nom de Jack Drummond n'apparaît pas. Donc ça, c'est une affaire, là aussi, qui a été créée de toutes pièces. Quant à l'affaire des espions, alors là, il faut être bien précis sur un point, et c'est très simple, vous allez vite comprendre. Ces espions seraient venus d'Allemagne à bord d'une Buick, une voiture qui mesure à peu près 6 mètres de long, de couleur lilas. Rose, lilas, c'est extraordinaire, c'est très discret. Ils arrivent à quatre pour tuer les Drummond. Le problème, c'est qu'on a découvert l'arme du crime. L'arme du crime, on a la certitude que c'est bien la Rocola. D'abord, il y a un éclat de bois trouvé près de la tête de la petite qui correspond à une cassure de la crosse, exactement. Et l'expertise des douilles, enfin des étuis pour être précis, montre que c'est bien cette carabine qui a tiré les munitions, les balles qui ont tué les Drummond. Cette carabine est réparée, rafistolée, comme dit le commissaire Sebeil, grâce à un collier en aluminium. Oui. Le collier en aluminium sert à supporter les plaques d'identité sur les vélos. Et ce collier a été vendu au marché d'Oraison, à quelques kilomètres de la maison des Dominici. Donc la carabine est locale. Ouais. Alors il faut m'expliquer comment un commando venu d'Allemagne... Mais oui, non, mais un commando venu... Non, mais je prends un petit détour, mais c'est pour vous expliquer. Mais très bien, monsieur. Alors Jean-Louis Vincent, on arrive à la fin de l'émission, donc on arrive à cette conclusion. Désolé. Donc ça peut pas être ça, ça peut pas être l'histoire d'espionnage. Non, non, non, non, c'est totalement faux. Très bien. Pardon de couper court à la conversation qui était passionnante. Vous savez, en radio, l'heure c'est l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. En tout cas, merci infiniment Jean-Louis Vincent. Merci également à notre consoeur de Radio France, Marseille, Marie-Christine Loriol, qui vous a accueilli. Merci madame, merci monsieur, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Dominici, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera la fiction, demain nous serons vendredi, elle sera consacrée à Madame Claude.